France Inter, avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, lance un nouveau podcast pour les 5-7 ans. Bestioles, les aventures du monde animal. L'hippocampe, la marmotte, l'araignée, le crabe, l'orang-outan, le merle, le kangourou. J'adore me promener avec ma maman. C'est comme faire du trampoline. Ils ont tous leur podcast et leur histoire. Manquez plus que ça, un plongeur. Qu'est-ce qu'il me faut celui-là? Abonnez-vous gratuitement à Bestioles sur franceinter.fr et l'application Radio France.